Cette semaine, je vous propose de redécouvrir une série d'émissions autour du soleil diffusée en juin 2019. Quatrième épisode aujourd'hui, Van Gogh ébloui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le soleil brûlant, le soleil qui attaque et qui assomme, le soleil qui chauffe même la nuit, c'est le soleil des grosses chaleurs, mais c'est aussi le soleil que toute sa vie, Vincent Van Gogh va chercher à peindre sur sa toile. Là, moi, je crois que Van Gogh répond carrément à son destin et qu'il est à la quête du soleil. Alors, le pays où il y a plus de soleil qu'à Paris, c'est dans le Midi. Il a peint les tournesols, c'est archi connu. Il a peint les iris, c'est archi connu. Mais il a aussi peint des dahlias et des fritillières. Vous savez ce que c'est ? Le pays me paraît aussi beau que le Japon, pour la limpidité de l'atmosphère et les effets de couleur gaie. Les eaux font des taches d'un bel émeraude et d'un riche bleu dans les paysages, ainsi que nous le voyons dans les crépons. Des couchers de soleil orange et pâle, faisant paraître bleu les terrains. Des soleils jaunes splendides. Cependant, je n'ai encore guère vu le pays dans sa splendeur habituelle d'été. Alors, il arrive ici le 21 février 88. Et lui qui vient chercher le soleil, il dit dans une lettre qu'à 60 cm de neige. Durant le voyage, j'ai autant pensé à toi qu'au nouveau pays que je voyais. Il y a partout au moins 60 cm de neige. Il en tombe toujours. Après Albert Camus, Vincent Van Gogh. Pour terminer cette série d'émissions autour du soleil, nous attendons mon invité Yann Blanc, l'historien de l'art Yann Blanc, qui a écrit un magnifique livre sur Van Gogh, « Ni Dieu ni Maître ». Aux éditions Citadel et Masneau, Yann Blanc est à quelques minutes de la maison de la radio. Je vous propose en attendant d'aller en Provence, à côté de Van Gogh, d'ouvrir la porte de son atelier et de le regarder, de l'écouter écrire une lettre à son frère Théo Van Gogh, dont il était très proche. Voici les cigales envoyées par Thomas Beau. Jean-Frédéric Smonck, le son, on y va. Je t'assure, comme pour toi, comme pour moi, que je juge indispensable, mais d'ailleurs, c'est notre droit, d'avoir toujours un louis ou quelques louis dans la poche et un certain fond de marchandises à manier. Mais mon idée serait qu'au bout du compte, on eût fondé et laisserait à la postérité un atelier où pourrait vivre un successeur. Je ne sais pas si je m'exprime assez clairement, mais en d'autres termes, nous travaillons à un art, à des affaires, qui resteront non seulement de notre temps, mais qui pourront, encore après nous, être continuées par les autres. Toi, tu fais cela dans ton commerce. C'est incontestable que dans la suite, cela prendra. Alors même qu'actuellement, tu as beaucoup de contrariétés. Mais pour moi, je prévois que d'autres artistes voudront voir la couleur sous un soleil plus fort et dans une limpidité plus japonaise. Or, si moi je fonde un atelier abri à l'entrée même du Midi, c'est pas si bête. Et justement, cela fait que nous pouvons travailler sereinement. Ah, si les autres disent « c'est trop loin de Paris », etc., laissez faire, c'est tant pis pour eux. Pourquoi le plus grand coloriste de tous, Eugène Delacroix, a-t-il jugé indispensable d'aller dans le Midi et jusqu'en Afrique ? Évidemment, puisque non seulement en Afrique, mais même à partir d'Arles, vous trouverez naturellement les belles oppositions des rouges et des verts, des bleus et des oranges, du soufre et du lilas. Et tous les vrais coloristes devront en venir là, à admettre qu'il existe une autre coloration que celle du Nord. Et je n'en doute pas, si Gauguin venait, il aimerait ce pays-ci. Si Gauguin ne venait pas, c'est qu'il a déjà cette expérience des pays plus colorés, et il serait toujours de nos amis et d'accord en principe. Et il en viendrait un autre à la place. Van Gogh, Van Gogh, mon frère, même si on t'avait reconnu, tu serais mort comme t'as vécu. Van Gogh, mon frère, quand t'as vu ton premier ami, t'as pas pensé c'est bon la vie. Tu as pensé c'est le printemps qui rend les hommes accueillants. Heureux celui qui a découvert un ami au temps de l'hiver. T'es fou, Van Gogh, Van Gogh, mon frère. Même si on t'avait reconnu, tu serais mort comme t'as vécu. Van Gogh, Van Gogh, mon frère. Quand t'as vu ton premier amour, t'as pas pensé c'est pour toujours. T'as pensé au premier chagrin, le réveil à pleurer matin, le gris qui dévore le bleu, parce que l'amour c'est toujours peu. Tang, tang, tang, t'es fou. Tang, tang, tang, t'es fou. Tang, tang, tang, t'es fou. Van Gogh, Van Gogh, mon frère. Même si on t'avait reconnu, tu serais mort comme t'as vécu. Van Gogh, Van Gogh, mon frère. Et oui, Vincent Van Gogh qui écrivait à son frère Théo dans la lettre que j'ai lue. Et ici, c'est Léni Escudero qui chante Van Gogh, mon frère. Escudero qui nous a amené Yann Blanc. Bonjour Yann Blanc. Bonjour. Vous avez traversé Paris en courant. C'est presque pas exagéré pour être ici presque à l'heure pour cette émission. On va composer avec la chaleur. C'est la nôtre en dehors du studio. Ici, il fait frais, vous pouvez reprendre votre souffle. Et la chaleur surtout de Van Gogh qu'il cherche toute sa vie. La chaleur ou la couleur d'ailleurs, puisque le soleil est une obsession pour lui, mais c'est pas tant pour la chaleur de ses rayons que pour la teinte qu'il essaye de retranscrire sur la toile, non ? Oui, en fait, le soleil, c'est à la fois une lumière et une sensation physique. Et au fond, ce que cherche Van Gogh depuis assez longtemps, depuis qu'il a commencé à dessiner et à peindre, d'abord dans les brumes de ses Pays-Bas natales et ensuite à Paris, où il va souffrir justement du manque de soleil, c'est à la fois ce que le soleil lui permet de faire, ou lui, ce qu'il imagine que le soleil lui permettrait de faire, parce que finalement ce soleil du sud, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Oui, d'ailleurs, il le fantasme, parce qu'il explique d'abord son premier projet, c'est d'aller à Marseille. Hein. Il veut aller à Marseille, et il veut aller voir ce sud. Et ce sud, c'est très étonnant, parce qu'il le compare au Japon et à l'Égypte dans sa correspondance, et il veut trouver une nouvelle lumière, un nouveau soleil, le pays du soleil levant. Et ce soleil levant, il va le trouver finalement en s'arrêtant à Arles. Et il va découvrir, à travers ce soleil, découvrir une autre façon de peindre, une autre façon de regarder la nature, une autre lumière au final. Et c'est aussi la chaleur. Et la chaleur, il va la découvrir. Il y a deux choses qu'il va découvrir lorsqu'il va être en Provence. Ça va être la chaleur du soleil, très rude, qui le frappe lorsqu'il travaille en plein air, car c'est un peintre qui peint en grande partie en plein air, et aussi le Mistral. Et le Mistral contre lequel il va toujours lutter, le père Mistral qui l'empêche de travailler en pleine nature et qui va donc l'obliger à planter son chevalet dans le sol pour résister à ce Mistral. C'est très intéressant. Qu'on voit d'ailleurs dans cette toile. Exactement. Le Mistral, on voit très bien le trait, toute la nature qui est en mouvement permanent. Exactement. Même les champs qui semblent agités par un vent permanent, c'est en fait le Mistral. Les deux fameuses nuits étoilées, hein, c'est spirale, c'est pas simplement les galaxies, c'est pas seulement les constellations, c'est aussi le mouvement du vent qui modifie la structure du ciel. Et donc le soleil, pour rebondir sur le sujet de cette semaine, c'est à la fois une condition de possibilité d'une réforme de l'art par Van Gogh, la capacité à pouvoir voir et dessiner et peindre différemment, sous un angle différent, sous une lumière différente, et c'est en même temps une résistance qu'il cherche. Il insiste beaucoup sur l'idée selon laquelle le soleil va fatiguer son corps, va fatiguer son esprit, et cette fatigue est une façon pour lui de... au fond, de se sentir vivant et de pouvoir lutter avec les éléments. Il y a cette idée chez Van Gogh de pouvoir non pas entrer dans une sorte de dialogue pacifique et paisible avec la nature, mais en quelque sorte d'être dans une sorte de conversation qui est aussi une sorte de combat, de lutte. Et donc, on le voit très bien, quand il fait très très chaud comme en ce moment, on voit très bien cette lutte-là. Et donc Van Gogh, lui, s'en nourrit, c'est ce que vous dites. Il s'en nourrit. Le soleil est une sorte d'interlocuteur. C'est un personnage. D'ailleurs, on le voit dans un certain nombre de ses tableaux. les champs de blé avec les faucheurs, les tableaux où le soleil est souvent placé au centre de la composition ou dans une position qui en fait le personnage principal, le faucheur ou le paysan étant souvent une petite figure à peine esquissée à gauche ou à droite. Il y a quelques exceptions, notamment un tableau assez fameux qui est le semeur au soleil couchant, où là, le soleil va se placer derrière la tête du semeur comme une sorte de nimbe dans lequel, avec lequel, le semeur fait corps, en quelque sorte. Et au fond, ouais, c'est un peu cela l'idéal de Van Gogh, c'est d'arriver à se réconcilier avec une nature qui n'est pas faite pour lui. Alors, on va prendre le temps de regarder ces tableaux ensemble, Yann Blanc. D'abord, puisque Van Gogh est un peintre, évidemment, mais aussi peut-être un coloriste, hein, et peut-être le plus grand de son temps. Voici un texte du philosophe Gaston Bachelard, dans Le droit de rêver, Gaston Bachelard, qui écrit sur le jaune si particulier de Van Gogh, le jaune inventé par Van Gogh. C'est un texte lu par Chloé Réjean. Un jaune de Van Gogh est un or alchimique, un or butiné sur mille fleurs, élaboré comme un miel solaire. Ce n'est jamais simplement l'or du blé, de la flamme ou de la chaise de paille. C'est un or à jamais individualisé par les interminables songes du génie. Il n'appartient plus au monde, mais il est le bien d'un homme, le cœur d'un homme, la vérité élémentaire trouvée dans la contemplation de toute une vie. Devant une telle production d'une matière nouvelle, retrouvant par une sorte de miracle les forces colorantes, les débats du figuratif et du non-figuratif se détendent. Les choses ne sont plus simplement peintes et dessinées. Elles naissent colorées. Elles naissent par l'action même de la couleur. Avec Van Gogh, un type d'ontologie de la couleur nous est soudain révélé. Le feu universel a marqué un homme prédestiné. Ce feu, au ciel, grossit justement les étoiles. Jusque-là va la témérité d'un élément qui excite assez la matière pour en faire une lumière nouvelle. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Vincent Van Gogh ce matin en compagnie de l'historien de l'art Yann Blanc. Ce texte de Gaston Bachelard parle du jaune selon Van Gogh. Un jaune, dit-il, qui est un or alchimique, un or butiné sur mille fleurs, élaboré comme un miel solaire. Qu'est-ce que ce jaune de Van Gogh a de si particulier, Yann Blanc? Là, je m'adresse à l'historien de l'art qui doit pouvoir comparer avec d'autres jaunes en peinture. Alors, il a d'abord quelque chose de particulier, c'est qu'il essaie de représenter le soleil. Et il faudrait peut-être rappeler, pour poursuivre notre discussion autour de cet astre, c'est que le soleil est un sujet, un thème, qui apparaît tardivement dans l'histoire de l'art. Pour une raison qui est relativement simple, c'est que depuis l'Antiquité, l'une des définitions les plus courantes de la peinture, c'est de dire que cela permet de représenter ce qui est visible. Or, le soleil n'est pas véritablement visible. Si vous fixez le soleil, vous aurez très vite des problèmes de vue, plutôt. Mmh. Le soleil rend visible. C'est ce qui permet aux choses d'être visibles. Et donc, il est rare, si vous essayez de trouver dans votre esprit des tableaux, je mets de côté l'art égyptien, l'art antique, hein, mais il n'y a pas une quantité très très grande de représentation du soleil, si ce n'est sous la forme allégorique ou divine, hein, des dieux du soleil ou des déesses du soleil. Que Van Gogh partage d'ailleurs parfois, hein, qualifie le soleil de divinité. Oui, et il se prétend vouloir devenir, je cite une lettre du 9 juin 1889, agriculteur adorateur du soleil. Donc il s'identifie à ces prêtres égyptiens adorateurs du soleil. Mais donc le soleil est rarement représenté avant le milieu du 19e siècle, avec évidemment Impression soleil levant, le tableau manifeste de l'impressionnisme de Monet, qui représente ce soleil rouge. Alors évidemment, le soleil, on peut parfois le représenter à travers la brume, parce que dans la réalité, on peut voir le soleil couchant ou levant. Mais ce que va essayer de faire Van Gogh, c'est d'essayer de représenter le soleil dans sa lumière la plus forte, la plus brillante. Et donc ce jaune est une façon pour lui, non seulement d'essayer d'exprimer l'intensité de cette lumière, de cette chaleur. On remarquera d'ailleurs, lorsqu'on regarde ces tableaux, que ce jaune n'est pas simplement une couleur, mais une matière. C'est-à-dire qu'il travaille avec des effets d'empattement pour donner le sentiment d'une sorte d'irradiation. Il veut rendre compte des radiations du soleil. Donc c'est pas simplement une lumière, c'est une énergie, c'est une force. Et c'est l'autre aspect qui est très important chez Van Gogh, dans ce jaune, c'est son identification. C'est-à-dire qu'on oublie de préciser que Van Gogh s'identifie au soleil. L'adoration est une façon pour lui de s'incarner dans ce soleil. Je rappelle que tous les tournesols qu'il peint lorsqu'il est à Arles, ce sont des fleurs du soleil. En néerlandais, c'est Zonnebloem, ça veut dire fleur soleil. Et il va s'identifier à ces tournesols. Dans une de ses lettres, il explique très bien que ces tournesols, pour lui, c'est l'image d'une communauté artistique dont il voudrait faire partie, en incluant Émile Bernard, Paul Gauguin à Arles, en les faisant venir éventuellement. Donc, il s'identifie à ce soleil. Il veut devenir un soleil. Pourquoi ? Parce qu'il veut pouvoir ensuite irradier lui-même cette lumière, une nouvelle lumière sur la nature, sur l'art, sur la représentation de ce monde dont il voudrait être en quelque sorte le défenseur. C'est un artiste qui, lorsqu'il commence à travailler, est un artiste véritablement croyant. Les premières occurrences de la notion de soleil dans sa correspondance sont presque toujours des références au Christ, au Seigneur, à Dieu. Et puis progressivement, le soleil va devenir une entité matérielle, un astre véritablement, dans lequel il veut s'incarner pour rendre compte de ce qu'il appelle les deux grands courants d'idées. C'est à la fois le courant d'idées spirituelles et ce qu'il appelle les difficultés matérielles, se tourner et se retourner pour se créer une existence et l'étude de la couleur. Et donc cette identification, elle est très forte. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater que pour Van Gogh, le soleil n'est jamais pareil à lui-même. Le soleil se lève à une certaine couleur, à une certaine intensité, monte jusqu'à son zénith, c'est là qu'il est le plus puissant, puis redescend, le soleil couchant. Il y a une lettre du 21 novembre 1888 où il parle d'un coucher de soleil citron malade. Citron malade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie dont il commence à sentir les effets, il la voit dans ce soleil qui se couche. Le coucher du soleil étant ici une référence peut-être à la mort du soleil. Peut-être que ce soleil va disparaître derrière l'horizon et ne jamais se lever à nouveau. Et c'est cette peur que Van Gogh ressent lors de ses crises, où il disparaît complètement, sa personnalité disparaît complètement, il ne se souvient pas de ce qui lui arrive lorsqu'il se mutile, lorsqu'il mange ses couleurs, il y a une véritable identification avec ce soleil. Donc je pense que ce jaune, s'il est si puissant, si l'on suit le passage de Gaston Bachelard, c'est précisément parce qu'il y a une forme d'identification d'un artiste à une couleur particulière. Mais ce qui est dingue, c'est que Van Gogh ait aussi eu les mots pour décrire ce jaune, puisque sa correspondance avec Théo Van Gogh, dont j'ai lu un extrait, à laquelle vous vous référez aussi, Yann Blanc, montre bien que ce jaune-là, ça ne passe pas uniquement par une forme d'impression qu'il voudrait retranscrire sur la toile. Quand il dit citron malade, c'est très précis comme type de jaune. Oui. C'est le vocabulaire qui accompagne la couleur, c'est pas évident. Ah, les lettres de Van Gogh, notamment les lettres en français, sont assez stupéfiantes, magnifiques, parce qu'elles sont à la fois d'une très grande précision. Théo, son frère, est celui auquel Vincent s'adresse lorsqu'il veut décrire ce qu'il est en train de faire, et donc très souvent il agrémente ses lettres de dessin, mais il agrémente également ses lettres de description, qui sont presque toujours des descriptions de pigments. Il dit en haut à gauche, j'ai utilisé tel pigment ou telle couleur pour tel motif. Et il y a la volonté pour lui au fond d'essayer d'expliquer à son frère ce qu'il est en train de faire sur un plan technique et aussi sur un plan expressif. Chez Van Gogh, la couleur est à la fois une matière, mais une matière qui est habitée par la volonté de produire un effet sur le spectateur, de pouvoir entrer en communication avec le spectateur. Donc c'est aussi un discours, d'une certaine façon, la couleur. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont Van Gogh essaie de par la langue, par cette langue française qui n'est pas la sienne, mais qu'il a apprise très rapidement. Il la connaissait sans doute lorsqu'il était jeune, mais il l'a évidemment pratiquée pendant les trois années, un peu moins de trois ans à Paris. Par cette langue, il essaie finalement de verbaliser le discours qu'il produit dans ses œuvres. Donc il y a un discours qui est visuel et qui passe par ce qu'on appellerait depuis l'Antiquité une ekphrasis, une description qui permet au lecteur, c'est-à-dire à son frère essentiellement, de pouvoir imaginer ce à quoi ressemble le tableau. Et en même temps, ce qui est vraiment très touchant, c'est que ce français n'est pas un français impeccable. Il y a des structures grammaticales étonnantes. D'ailleurs, pour un lecteur, c'est toujours un peu compliqué, parce que parfois on bute sur certaines phrases, parce qu'on ne comprend pas très bien quelle en est la structure. Et j'en ai fait l'expérience en lisant le texte. Et donc, il y a une sorte d'étrangeté dans la langue, mais qui la rend encore plus touchante, parce que du coup, on a un peu l'impression d'entendre Van Gogh parler, finalement. Je trouve assez étrange que Gauguin me réclame un tableau de tournesol en m'offrant en échange quelques études qu'il a laissées ici. Pour le moment, je garde mes toiles ici. Et catégoriquement, je garde moi mes tournesols en question. Il en a déjà deux. Que cela lui suffise. Cela me fatigue de récapituler tout cela et de calculer et recalculer des choses de ce genre. Toi qui désires savoir comment étaient les choses, as-tu déjà lu le Tartarin tout entier ? Cela t'apprendrait passablement à reconnaître Gauguin. Rien ne nous empêche de voir en lui le petit tigre Bonaparte qui toujours abandonnait les armées dans la dèche. Puis il est père d'enfants, puis il a sa femme et ses enfants dans le Danemark, et il veut simultanément aller tout à l'autre bout du globe, à la Martinique. C'est effroyable, tout le vice-versa de désir incompatible que cela doit lui occasionner. Alors les tableaux dont on va parler ce matin ont quasiment tous été peints à Arles, donc c'est une certaine période de la peinture de Van Gogh. Il faut savoir que quand Van Gogh va s'y installer, il espère très fortement que Gauguin l'y rejoindra. La relation Van Gogh-Gauguin est quelque chose d'à la fois très intense et très tumultueux Yann Blanc qui a une influence directe sur la composition même de Van Gogh, sur son travail. Oui, alors c'est une grande déception pour Van Gogh. Van Gogh a, pendant très très longtemps et assez tôt, dès qu'il commence véritablement à accepter l'idée de se consacrer à la vie artistique, c'est quelqu'un qui a très tôt rêvé d'une vie communautaire. Déjà dès les premières années, lorsqu'il est à La Haye et qu'il fréquente un ensemble d'artistes ou de photographes avec lesquels il va travailler dans les faubourgs ou les banlieues de La Haye, dans les milieux assez pauvres. Ensuite, lorsqu'il va travailler comme pasteur auprès des mineurs dans le Borinage, en Belgique. À Paris, il va fréquenter un ensemble d'artistes, notamment Signac, dont il va beaucoup se rapprocher. Il va être également assez proche de Pissarro, des milieux anarchistes de Pissarro. Et puis, lorsqu'il va arriver à Arles seul, une de ses premières idées, c'est de construire une communauté. Alors, il y a le modèle principal, c'est un modèle monastique dans un premier temps. La communauté à laquelle il pense, il cite le Japon et les Égyptiens, c'est-à-dire il cite deux civilisations où le rapport à l'art est un rapport qui est en partie, pas totalement, mais évidemment en partie lié au monde du religieux, au monde du sacré. Et il se représente, un de ses premiers autoportraits peints à Arles, il se rase le crâne et se représente en bonze, hein, donc il se représente en prêtre japonais. Et donc, évidemment, un prêtre seul, c'est compliqué. Il voudrait constituer une communauté et donc tente d'attirer à lui Émile Bernard et Gauguin. Gauguin finit par céder après quelques mois d'hésitation. Il regrettera assez rapidement son choix parce que Van Gogh, évidemment, est un personnage qui, au fond, vit dans une communauté, mais je suis pas certain que le principe de la vie communautaire était fait pour lui. Et donc, très vite... Pour Gauguin non plus, d'ailleurs. Hein, pour Gauguin non plus, effectivement. Et comme le dit le texte qui a été lu à l'instant, je pense que d'une certaine façon, il y a aussi deux façons différentes de penser le rapport à l'art. Un Gauguin, c'est ce que Van Gogh appelle le vice-versa, c'est cette volonté contradictoire d'être avec Van Gogh et de pouvoir aussi vivre sa carrière avec différents types de destinations envisagées au même moment, alors que finalement Van Gogh, il se définit encore une fois comme un laboureur. Hein. Oui. Le 26 novembre 1889, il dit aussi « Ce que je fais est dur, sec, mais c'est que je cherche à me retremper par du travail un peu rude et craindrais que les abstractions ramollissent. » Donc c'est la sécheresse du soleil qui assèche tout, à laquelle il s'identifie. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui trace son sillon, hein, qui au fond ne change pas d'avis. Finalement, il veut aller au Japon, il s'arrête à Arles, et à Arles, il fait ce qu'il imaginait faire à Marseille. Et il s'identifie à ce soleil qu'il veut essayer de retrouver par un travail incessant. Il faut rappeler peut-être à nos auditrices et auditeurs, c'est que Van Gogh est un travailleur acharné. Il a peint des milliers de tableaux. C'est aussi un lecteur incroyable. Il n'en a pas vendu un de son vivant ou deux par l'intermédiaire de son frère, ouais, c'est ça? La Vigne Rouge est le tableau dont on est certain qu'il a été vendu de son vivant. C'est son frère qui en fait va récupérer les œuvres. Et d'une certaine façon, c'est très bien parce que du coup, c'est une grande partie de ce qui a constitué la collection du musée Van Gogh. C'est bien pour nous, mais pour lui, n'avoir rien vendu de son vivant, j'imagine, l'avait désespéré. Oui. Et les commentaires qu'il fait lorsqu'il sait que la Vigne Rouge est vendue sont étonnants parce qu'il est presque déçu que ce tableau aille à une personne dont il pense qu'elle ne goûtera pas la qualité de son travail. Donc Van Gogh est compliqué, y compris lorsqu'il vend un tableau dans sa carrière. Mais l'enjeu pour lui n'est pas tellement... Alors évidemment, il aimerait vendre, notamment à Paris. Hein. À Paris, il veut devenir un peintre impressionniste, et il veut absolument réussir. Et puis très rapidement, il se rend compte, en ayant quelques exemples et contre-exemples autour de lui, que les bons peintres ne sont pas nécessairement ceux qui vendent bien. Ou ils font partie de l'ancienne génération. C'est la génération des impressionnistes, comme Monet, par exemple, qu'il admire beaucoup. Mais Gauguin, par exemple, le rapport qu'a Gauguin au marché l'ennuie un petit peu, parce qu'il voit un petit peu toutes les ficelles utilisées par Gauguin pour essayer de vendre son travail. Alors que pour lui, il y a une forme de pureté, hein, pour ne pas dire de purisme, à vouloir finalement devenir un peintre qu'il appellera, lorsqu'il arrive à Arles, un peintre abstrait. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cette crainte que ces abstractions ramollissent. Hein. Pour lui, le soleil est une façon pour lui d'abstraire les choses. Parce que le soleil, c'est un astre qui va, lorsqu'il est à son zénith, durcir les contours, durcir les ombres, effacer par la chaleur elle-même, effacer les détails, aller à l'essentiel. Et je crois que ce que c'est de faire Van Gogh à l'époque, et on le voit très bien dans cette forme de simplification progressive, de cette épuration progressive de sa touche, de sa couleur, c'est arriver à cette forme d'abstraction impressionniste. Alors si on prend un exemple, le Summer par exemple, oui, qui donc a été peint à Arles en juin 1888, on retrouve ce que vous dites, le caractère éclatant de ce jaune qui demanderait d'inventer de nouveaux adjectifs pour le qualifier, la patte très forte que l'on voit là, sur le soleil et puis sur le champ de blé qui vient manger le soleil, et cet immense champ sur lequel marche le semeur, qui lui est d'une teinte très différente, mais qu'on pourrait presque toucher de ses doigts, tellement il est volumineux, tellement il est en relief. Mmh. Alors c'est un tableau intéressant, hein, dans un tableau qui se trouve aujourd'hui au Kröller Museum aux Pays-Bas, à Otterlo. C'est un tableau intéressant parce que donc pour nos auditeurs, nous avons donc le soleil au centre de la composition qui illumine un ciel entièrement jaune. Ensuite, une petite bande de champs de blé et puis dans les deux tiers inférieurs de la composition, un champ dans lequel se trouve un semeur qui sème, sur un modèle d'ailleurs qui est celui de Millet, hein, le semeur de Millet. Et ce champ de blé est étonnant parce que c'est un champ bleu. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des couleurs. C'est-à-dire que le ciel est jaune, alors qu'on pourrait imaginer qu'il fût bleu, et le champ est bleu, alors qu'on pourrait imaginer qu'il fût jaune. Et c'est intéressant, à cette inversion chromatique s'ajoute une inversion compositionnelle, parce qu'au fond, on voit bien que le personnage principal n'est pas le semeur, mais le soleil, qui se trouve au centre de la composition, et qui semble presque s'adresser à nous, dont les rayons sont matérialisés. Si bien que ce qui se passe ici, c'est visiblement que le soleil devient le nouveau centre de gravité de la représentation de la nature. C'est le soleil qui donne ses couleurs et ses teintes au monde. Et donc, le bleu de ces champs de blé, c'est en réalité l'ombre. Hein. L'ombre créée ici dans cet espace, un soleil couchant, c'est les ombres qui apparaissent sur la Terre. Et on voit ce semeur qui, au crépuscule du jour, continue à travailler. Ce semeur, c'est une évocation très ancienne chez Van Gogh de l'artiste lui-même. Puis un autre aspect intéressant dans ce tableau, c'est que du premier plan, on voit une sorte de petit sillon, une sorte de petite trace, un petit rayon de sol. Comme un petit chemin, en fait. Un petit chemin qui creuse une partie du champ et qui va dans la direction du soleil. Donc, comme si aussi, c'est un élément qu'on va retrouver jusqu'au dernier tableau de Van Gogh lorsqu'il l'est peint au Auvers-sur-Oise, c'est l'idée d'un chemin qui va vers l'horizon ou un chemin que l'horizon creuse vers nous. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va dans la direction du soleil, c'est que c'est le soleil qui creuse la nature, qui fabrique la nature. Et donc, là, on retrouve cette idée d'une identification de l'artiste à la fois à la figure du paysan, du laboureur. C'est une idée qu'il développe dès les Pays-Bas lorsqu'il s'identifie au mangeur de pommes de terre. Il dit qu'il faudrait peindre les pommes de terre non seulement du point de vue de leur image, mais du point de vue de la poussière dont elles sont recouvertes. Donc il faut devenir, pour peindre les paysans, il faut devenir un peintre paysan. Mais pour représenter ce semeur ou ces laboureurs, il faut devenir soi-même un laboureur, il faut labourer la peinture, il faut devenir soi-même un morceau de cette nature qui est représentée. Vous avez dit que ce tableau s'inspirait du semeur de Millet, de Jean-François Millet, qui date de 1850. Dans quelle mesure le travail de Van Gogh s'inscrit-il dans un héritage artistique, puisqu'il lui-même décide de devenir peintre assez tard, il a 27 ans, il est autodidacte, enfin il a quelques cours, mais on ne peut pas dire qu'il suive les enseignements les plus prestigieux. Est-ce qu'il connaît l'histoire de l'art dans laquelle il s'inscrit ? Il est un connaisseur exceptionnel. D'abord, il fait partie d'une famille où à peu près la moitié est pasteur, l'autre moitié travaille dans le marché de l'art. Donc, l'art est présent dans sa famille. Il va faire d'ailleurs au tout début de sa vie, autour d'une vingtaine d'années, il va faire un apprentissage chez Goupil et compagnie, qui est une maison de vente, que ça n'a pas très bien marché. Il va finir par démissionner lorsqu'il se trouvera à Londres. Mais il connaît très bien les grandes traditions artistiques jusqu'à celle du milieu du 19e siècle. Donc, il connaît la peinture par cœur. On a des témoignages de ses visites de musées, aux Pays-Bas, en France, à Londres, dans le sud de la France. Il va à Montpellier, au musée Fabre, qu'il visite avec Gauguin. Ça se passe très mal. Ils sont d'accord sur aucun tableau. Enfin, c'est très amusant de voir comment les deux artistes arrivent à se disputer devant les œuvres dans une exposition ou un musée. Et donc, pour lui, la peinture, c'est véritablement un travail de dialogue avec les maîtres anciens, mais la volonté est constante chez lui d'affirmer sa modernité, hein, sans faire une table rase des peintres qu'il admire, Rembrandt, Delacroix, évidemment, qu'il cite à de nombreuses reprises lorsqu'il est dans le sud de la France. Il prend en compte cette tradition, mais il la transforme. Et il la transforme notamment par le travail de la copie et de la variante. Hein. Il fait ça énormément. Le semeur de Millet, il en fait des variations graphiques, picturales, chromatiques. Il retravaille ses modèles, un petit peu comme si on mâchait un aliment pour le transformer. Hein. Tout à l'heure, Bachelard utilisait la métaphore des abeilles qui butinent les fleurs, que c'est une métaphore qui remonte à Plutarque. Hein. C'est une métaphore ancienne, finalement, de la mimésis. Un peintre doit choisir les plus belles fleurs, butiner, puis faire son miel de ces fleurs. Finalement, Van Gogh fait un peu la même chose, sauf que ça n'est pas le doux miel des abeilles qu'il prend pour modèle, mais plutôt le travail d'un laboureur qui va semer, attendre que les fleurs sortent du sol, pour pouvoir ensuite les récolter et les peindre dans un vase lorsqu'il s'agit par exemple de tournesol. Vous avez du savon ? Non. Bon, bah alors on va là. De toute façon, c'est plus pratique d'aller se laver à la pompe dans la cour. Hein. Mais vous avez compris ce que j'ai dit ou vous lisiez? Oui, j'ai compris. Ah, c'est quoi que vous écrivez? Là, j'écris à mon frère. Vous écrivez beaucoup? Oui. Je peux lire? Non. Bon, ben, tant pis. Mon cher Théo, je t'écris des Sainte-Marie-de-la-Mer, enfin au bord de la Méditerranée. Pour y arriver, j'ai traversé la Camargue en diligence. J'ai vu des vignes, des landes, des terrains plats comme la Hollande, d'immenses plaines d'herbes avec des manades de taureaux et des troupeaux de petits chevaux blancs à demi sauvages et bien beaux. Je voulais voir une mer bleue sur un ciel bleu, mais la Méditerranée a des couleurs changeantes. On ne sait pas toujours si c'est vert ou violet, on ne sait pas si c'est bleu, car la seconde d'après, les reflets ont pris une teinte rose ou grise. La plage est ici sablonneuse, pas de falaises ni de rochers, comme la Hollande, moins les dunes et plus le bleu. Sur la plage toute plate, des petits bateaux, vert, rouge, bleu, tellement jolis comme forme et couleur qu'on pensait à des fleurs. Un seul homme les monte ces barques-là, elles ne vont guère sur la haute mer. Ils fichent le camp lorsqu'il n'y a pas de vent et reviennent à terre s'il en fait un peu trop. Je voudrais que tu passes quelque temps ici, tu sentirais la chose. La vue change, on voit avec un œil plus japonais, on sent autrement la couleur. Maintenant que j'ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l'importance qu'il y a de rester dans le midi et de sentir qu'il faut encore outrer la couleur davantage. Les choses ici ont tant de style. Vincent Van Gogh est à Arles depuis 2 mois quand il décide de se rendre au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors après le rose et le blanc des vergers en fleurs, il veut apprécier l'effet d'une mer bleue sous un ciel bleu et voir enfin cette Méditerranée qu'il ne connaît que par les peintres. Dans cette lettre qu'il écrit à son frère Théo Van Gogh, lorsqu'il décrit la mer Méditerranée, à quelle image se réfère-t-il? À sa Hollande natale. Alors ça correspond très exactement à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que Van Gogh est un artiste qui regarde la nature en artiste, et donc ce qu'il cherche dans la nature, ce sont des tableaux qu'il a déjà vus. Donc il se fait une idée de la nature, il se fait une idée des régions qu'il découvre à travers les représentations qu'il a pu en voir. Et donc lorsqu'il voit cette mer bleue sous un ciel bleu, il pense au paysage hollandais du 7e siècle. En fait, c'est pas tellement la Hollande à laquelle il pense, c'est la Hollande peinte par les peintres hollandais, c'est-à-dire les peintres de paysages comme Ruysdael, comme Van de Velde, comme Van Rooyen au 17e siècle, qui précisément jouent sur ces harmonies chromatiques entre le bleu de la mer et le bleu du ciel. Et ça, c'est, je pense, c'est quelque chose de très important à mettre en évidence. C'est-à-dire que un des arguments qui pousse Van Gogh à quitter Paris, c'est l'argument qui consiste à retrouver une forme de nature qu'il a, avec le contact de laquelle il a perdu. Il veut quitter le monde de la ville, le monde de l'industrie, même si c'est une industrie qui l'intéresse, qui le fascine, mais très rapidement, il a l'impression d'être comme une sorte de plante déracinée de cette nature qu'il a eu l'occasion d'étudier de façon très intensive lorsqu'il se trouvait aux Pays-Bas ou en Belgique. Et donc, revenir dans cette nature, c'est aussi revenir aux peintres qui ont peint cette nature. Donc, il faut bien imaginer que ça n'est pas parce que Van Gogh, comme beaucoup de peintres impressionnistes, défend le principe de la peinture en plein air, que c'est une peinture qui est totalement abstraite, séparée d'une réflexion sur les maîtres. Il a ses tableaux en tête et lorsqu'il peint, par exemple, le champ de blé au soleil couchant, en juin 1888, la composition qu'il réalise en plein air, dans le champ lui-même, elle est totalement informée par sa connaissance des paysages du XVIIe siècle, des paysages de Monet, notamment dans le traitement par petites taches, par petites touches, des champs de blé qui sont secoués par le vent. Oui. On le voit, ce vent aussi, à travers la fumée qui sort des cheminées, des usines. Oui, parce que là, cette fois-ci, on est dans une nature qui n'est pas coupée de toute forme d'industrie. Au contraire, on voit des cheminées qui fument, oui. on distingue un long train noir sur le côté droit. Oui. C'est très intéressant, ce paysage. C'est une sorte de paysage composite qui relève à la fois d'un paysage classique, si j'ose dire, un paysage de nature, et puis un paysage urbain. Et cette façon dont la ville est représentée à l'arrière-plan, se découpant sur l'horizon, derrière lequel se trouve toujours ce soleil jaune, dont la couleur est rendue au blé du premier plan, ce paysage y renvoie aussi à la tradition des paysages topographiques néerlandais du XVIIe siècle. Mais un autre aspect qui me paraît important dans ce paysage, et qui fait peut-être le lien entre ce monde industriel, représenté par ces cheminées qui fument, et ce monde naturel, représenté par ce vent, ce mistral qui balaie les champs de blé, c'est la notion de travail. En fait, c'est le monde du travail et le travail des ouvriers auquel il voue une grande admiration. C'est un grand lecteur de Dickens aussi, c'est un grand lecteur de toute la littérature anglaise, britannique, du monde post-industriel. Donc c'est le monde des ouvriers, c'est le monde des travailleurs, c'est le monde de l'aliénation dans le travail, et le monde des agriculteurs, le monde des paysans, le monde des laboureurs, des semeurs, qui eux s'aliènent dans le travail, dans la nature, mais qui d'une certaine façon trouvent dans cette aliénation une symbiose avec la nature. Et il est intéressant de constater qu'on est en juin 1888, et dans une lettre du 27 juin 1888, il exprime cette idée à travers la notion de fatigue. Je cite « C'est que ça fatigue ce soleil d'ici ». Je suis de même entièrement incapable de juger mon propre travail. Et il parle un peu plus tard de ces paysages jaunes vieil or, hein, donc un or un peu bruni, fait vite, vite, vite et pressé, comme le moissonneur qui se tait sous le soleil ardent, se concentrant pour en abattre. En abattre, c'est abattre du travail. Donc ce travail, il est au cœur de son projet lorsqu'il arrive à Arles. Il veut à présent retrouver de la santé à travers ce travail qu'il réalise sur place, en plein air, luttant contre le mistral, luttant contre la chaleur du soleil. Mais comment faut-il comprendre la présence de ces éléments industriels dans ce tableau? Parce qu'il faut quand même dire que les trois quarts du tableau sont occupés par ce champ de blé, que c'est une fine ligne qui délimite le troisième et le quatrième quart du tableau, sur laquelle figure la ville, enfin le village, on va dire la petite ville, et ses cheminées fumantes et ce train noir. Est-ce que c'est elle, Henry David Thoreau, qui se rend près du lac Walden? On croit qu'il est complètement au milieu de la nature, alors qu'en fait il est à 2 kilomètres de Concorde. Il construit une cabane de ses propres mains, mais il décrit tous les jours le train qui passe juste à côté du lac, et il trouve ça beau, et il se réjouit de cette activité économique. Il n'est pas du tout dans un manichéisme qui fait que la sauvagerie devrait tourner le dos à la civilisation. Qu'en est-il de Van Gogh? Alors oui, on peut pas réduire Van Gogh à une sorte de volonté de s'exiler, de fuir la ville, ses poussières, ses industries et son aliénation pour retrouver la pureté de la nature. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, dans la mesure où Van Gogh adore véritablement voir les êtres humains vivre à ses côtés. Donc il y a sans doute dans ce tableau moins une critique de ce monde industriel que cette forme de constat et de volonté de composer au sein de la même image une réalité complexe à l'intérieur de laquelle il essaie de se placer, car après tout c'est aussi un peintre qui a vécu parmi ou près des ouvriers, hein. C'est quelqu'un dans le borinage qui a même aidé des ouvriers après un coup de grisou à pouvoir se sortir des mines, donc c'est un monde qu'il connaît très très bien, c'est un monde auquel il s'est également identifié. Et donc ici, au fond, encore une fois, c'est le soleil dans lequel Van Gogh s'intègre, puisque ce soleil ici fait en quelque sorte la jonction entre ce monde de la nature pure, si j'ose dire, même si cette nature est elle-même cultivée par la main de l'homme, qui est donc le jaune du soleil. Mais ce jaune, on le voit, il est caché derrière cette ville. Donc ce soleil, il est presque comme une sorte d'entité tutélaire, protectrice des hommes et aussi donc de ses activités industrielles. Et donc, de ce point de vue, c'est intéressant de voir comment Van Gogh va fabriquer une image de la nature qui ne correspond pas toujours exactement à l'idée que l'on s'en fait. Effectivement, l'essentiel des paysages qu'il va peindre à l'époque met de côté ces éléments associés au monde urbain, mais ces éléments sont évidemment très proches de lui, et il en parle assez souvent dans ses lettres. Il faut aussi rappeler que durant ses années arlésiennes, Van Gogh lit Zola, et lit notamment les romans ouvriers de Zola, qui l'intéressent énormément. Zola qui est très ami avec Paul Cézanne. Exactement, et Zola, c'est une des grandes lectures de Van Gogh durant cette période, et on sait à quel point l'espace de la ville est important aussi chez Zola, une ville qui est habitée par des enjeux artistiques, dans l'œuvre notamment, mais aussi des enjeux sociaux, politiques, idéologiques. Il lit aussi à l'époque Victor Hugo, il relit Victor Hugo. Un an après, donc en octobre 1889, un an après le tableau que vous venez de commenter, hein, Champ de blé au soleil couchant, Van Gogh va écrire à son frère « Mon Dieu, c'est un bien mauvais petit pays ici, tout y est difficile à faire, pour démêler le caractère intime et pour que cela ne soit pas une chose vaguement vraie, mais du vrai sol de Provence. Alors pour arriver à cela, c'est qu'il faut labourer dur, et alors ça devient naturellement un peu abstrait, car il s'agira de donner au soleil et au ciel bleu sa force et son éclat, au terrain brûlé et si mélancolique souvent, leur fin arôme de thym. » Et le tableau qui semble correspondre à cette lettre s'appelle « Champ de blé avec un paysan ». Et ici, les couleurs sont complètement différentes. Oui, alors là, on arrive à la, à la période qui est la période à Saint-Rémy, puisqu'il a quitté Arles pour Saint-Rémy, ou plutôt on l'a installé dans un asile à Saint-Rémy de Provence en mai 1889. Donc c'est un tableau qui est peint autour d'octobre 1889. Encore une fois, ce qui est génial avec Van Gogh, c'est qu'on a une correspondance qui permet, fantasme suprême pour un historien de l'art, dater les tableaux quasiment au jour près, c'est extraordinaire. D'autant qu'il en peint plusieurs par mois, visiblement. Il en peint plusieurs, parfois plusieurs par jour. Donc ça permet quand même la correspondance de situer les tableaux de façon assez précise. Et d'ailleurs, lorsqu'un tableau n'est pas dans la correspondance de Van Gogh, les experts sont toujours un peu dubitatifs. Ils disent, est-ce que c'est pas un faux? Parce que, en général, il parle quasiment de toutes les œuvres qu'il réalise à son frère. Et effectivement, on voit changer la palette de Van Gogh durant cette période. Les jaunes n'ont plus cette place centrale dans la palette, dans la composition chromatique des tableaux. Le bleu, le gris. En fait, il y a un grand enrichissement, une grande diversification de la palette chromatique qu'on va retrouver également à Auvers-sur-Oise. Alors, est-ce que c'est simplement une volonté de renouveler une nouvelle fois sa façon d'approcher la représentation de la nature, un renouvellement qui coïncide évidemment avec un changement radical dans sa vie, les multiplicités des crises qui l'obligent donc à être interné, et donc ce moment est vraiment compliqué pour lui, il a ralenti sa production pendant un certain temps. Donc est-ce que c'est une façon pour lui de reprendre en main sa vie? Il faut rappeler quand même que pour Van Gogh, la peinture c'est vraiment l'activité de sa vie, c'est l'activité qui lui donne vie, il parle de sa santé lorsqu'il peint, hein. C'est vraiment dans le livre que j'ai consacré à Van Gogh, j'ai proposé, d'ailleurs dans la suite de ce qu'avait proposé Dorian Astor, une sorte d'analogie entre la théorie de la grande santé chez Nietzsche et cette obsession de la santé chez Van Gogh qui passe par la production artistique. Et donc pour lui, peindre, dessiner, labourer la peinture, ou comme un laboureur labourerait des champs, c'est une façon de reprendre en main sa vie, de reprendre le contrôle sur une vie dont il se sent presque dépossédé. De quoi souffre-t-il? Alors, on ne sait pas exactement. On pense à une forme d'épilepsie mentale, cérébrale. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est les témoignages qu'on a pu en donner à travers les personnes qui ont pu le fréquenter ou ce qu'il a pu en dire dans sa correspondance. On sait simplement qu'il ne se souvient pas de ces crises. Il ne sait de ces crises que ce qu'on lui dit après ces crises-là. Donc il ment. Parfois, il lui arrive de manger la couleur qu'il utilise. Bon, il s'est évidemment tranché l'oreille. Donc on a des cas d'automutilation pour essentiel, qui sont des crises visiblement qu'il traverse sans conscience véritablement. Et donc pendant ces crises évidemment, et peu après ces crises, il ne peint pas, il ne dessine pas. Donc il ne faut pas imaginer que sa peinture est une sorte de traduction immédiate et directe de sa, entre guillemets, folie. C'est même le contraire. Si Van Gogh insiste de façon très systématique sur l'idée qu'il ne peut peindre et dessiner que lorsqu'il se sent mieux, et que peindre et dessiner est pour lui une façon de reprendre en main sa santé, et que c'est un acte de santé. Il y a d'ailleurs des tableaux assez amusants où il va représenter sur une table une sorte de nature morte sur laquelle il va placer tout ce qu'on lui conseille de manger pour pouvoir mieux se sentir. Il y a même une nature morte où il représente le petit livre de médecine qu'il doit pouvoir lire pour pouvoir prendre soin de lui, etc. Donc l'idée du soin est une idée centrale dans ces tableaux. Et donc représenter cette nature qui est parfois dure, parfois fatigante, parfois usante, c'est une façon pour lui aussi d'essayer d'accéder à cette forme de santé. Une santé qui n'est pas une santé confortable, qui n'est pas un état, disons, de douceur paisible, mais c'est une façon pour lui, la fatigue est une façon pour lui de se sentir vivant. D'une certaine manière, on peut se demander si c'est pas une manière pour lui, une sorte d'anti-vanité, c'est d'essayer de résister finalement au temps, de résister à la mort, de résister à la maladie à travers la pratique artistique. Et donc, se sentir entrer en résistance avec cette chaleur du soleil, avec ce vent qui l'obsède, c'est une façon pour lui de se sentir vivant dans ces éléments qui lui sont en apparence hostiles. Et l'évolution au sein de ces tableaux, sur quoi, comment peut-on l'expliquer? Est-ce parce qu'il change de paysage et sa technique change, ou est-ce le reflet de son évolution intérieure, mentale? Oui, je pense qu'on peut sans doute considérer que la différence du paysage entre Saint-Rémy et Arles peut avoir joué un rôle important. C'est un paysage beaucoup plus montagneux. Il y a beaucoup de représentations de vallées, de ravins, qui l'intéressent. Et donc, de ce fait, il doit pouvoir faire évoluer sa manière en adoptant des couleurs beaucoup plus grises, beaucoup plus proches, des gris, de camaïeux de gris. Et donc là, les champs de blé sont beaucoup plus absents. Donc il y a d'abord cette volonté de l'artiste de s'adapter aux motifs qu'il peut voir autour de lui. Mais je pense aussi que malgré tout, il y a une forme, disons, de réforme de la peinture chez Van Gogh. Van Gogh est un artiste qui, vous l'avez dit, est en partie autodidacte. C'est aussi un artiste qui affirme de façon assez forte et radicale des changements dans sa peinture. Il change de lieu d'habitation, il change sa façon de peindre. Il est capable vraiment de quasiment du jour au lendemain de décider de modifier sa technique, soit à travers des modèles qu'il va choisir, soit à travers des modifications dans le travail, dans la touche notamment, pour pouvoir faire évoluer son travail. C'est vraiment quelqu'un qui adopte vis-à-vis de sa production quasiment l'attitude d'un chercheur qui à un moment donné se dit là je tourne en rond, j'ai fait 100 fois ce motif, je vais modifier la façon dont je vais le penser. D'ailleurs, c'est aussi un peintre de série qui peint 5, 6, 10, 15 fois le même motif, parfois un portrait, une quinzaine de fois, et à chaque fois qu'il va en réaliser, et toutes ces séries sont réalisées au même moment, durant les mêmes semaines. On pense au Tournesol, par exemple. Tournesol, qui est une série, oui, tout à fait. Ou l'Arlésienne, par exemple, qui sont des tableaux qui dans lesquels il va essayer d'entrer dans une réflexion avec lui-même, en essayant à chaque fois de proposer une vision différente. Donc c'est quelqu'un qui explore un motif sous différents angles, et donc il n'est pas étonnant que, changeant de lieu, et il change aussi de façon de peindre, même si on reconnaît tout de même sa technique, et notamment cette technique très particulière de la hachure, qui est à la fois une façon pour lui de diviser, d'abstraire la forme, mais aussi de créer un effet d'expression. Mais qu'est-ce qu'un corps pour faire face à cela ? Tous les changements ne sont pas pour le mieux, mais j'ai vraiment envie de partir d'ici. C'est difficile de supporter ce que l'on endure ici, à l'asile de Saint-Rémy. Depuis quelques jours, je peins un champ en plein soleil, avec des pissenlits jaunes. Et alors que ma maladie était à son comble, je peignais encore, entre autres, une réminiscence du Brabant, des chalets au toit de mousse et des haies de hêtre un soir d'automne avec un ciel orageux, le soleil couchant rouge dans des nuages rougeâtres. C'est le 29 avril 1890 que Van Gogh écrit cette lettre à son frère, et le tableau auquel il fait référence s'appelle Réminiscence du Nord, réminiscence au pluriel donc, et on retrouve ce soleil, cette fois-ci, un soleil rouge. On est bien loin des pigments qu'il est allé chercher pour obtenir la lumière jaune du soleil de Provence. C'est un soleil dont il se souvient cette fois-ci, c'est cela ? Oui, c'est intéressant parce que ça permet d'abord de voir que il faut toujours se méfier d'une périodisation trop schématique lorsque l'on aborde la carrière d'un artiste, c'est-à-dire que il n'est pas encore allé à Auvers, donc il va partir à Auvers-sur-Oise en mai 1890, il mourra le 29 juillet, donc c'est la toute dernière partie de sa carrière. Et les historiens de l'art ont souvent tendance à distinguer les périodes, Paris, Arles, Saint-Rémy, Auvers. Mais en réalité, la période dite auversoise, elle commence dès la fin de la période dite de Saint-Rémy, parce que cet obscurcissement de la palette, ce travail où finalement les rouges commencent à s'intégrer de façon très forte, avec des effets presque de clair-obscur, avec la façon dont ils cloisonnent les contours, un petit peu comme sur un vitrail ou sur une estampe japonaise. Ces modèles, il les explicite dans sa correspondance, et cela renvoie notamment au travail de Bernard et de Signac. Ce travail, en fait, qu'on identifie souvent comme celui qui est de sa dernière période, en réalité, il le commence dès avant de partir pour Auvers. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, ici, il explique se rappeler. C'est la notion de réminiscence qu'il utilise ici. Il se rappelle le Brabant, ses chalets au toit de mousse et ses haies de hêtre, un soir d'automne avec un ciel orageux. C'est intéressant parce que tout ce travail sur un paysage crépusculaire, sombre, qui n'est plus baigné par la chaleur d'un soleil torride, mais au contraire baigné par la chaleur d'un soleil presque faible. Ici, ça ne sont plus des contrastes très forts entre les ombres et les lumières qui sont mises en évidence, mais au contraire une sorte de pénombre. C'est quelque chose dont il s'était plaint lorsqu'il se trouvait aux Pays-Bas, parce qu'il lui manquait ce soleil ardent qu'il imaginait lorsqu'il lisait Pierre Loti, par exemple. Pierre Loti, un écrivain qu'il adorait et qui lui a fait découvrir le Japon, en quelque sorte, dans l'ensemble de ses romans. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'au fond, face à la maladie, face à ce moment de crise dans sa vie, il a besoin de revenir finalement à ses modèles anciens en les revisitant. Car ce qu'il peignait à l'époque, lorsqu'il se trouvait aux Pays-Bas, ce n'est pas du tout ce type de paysage. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, donc le tableau que vous évoquez, qui est dans une collection privée aujourd'hui, c'est de voir comment le soleil, toujours aussi présent, toujours aussi central dans la composition, énorme disque rouge, qui met de côté la seule figure que l'on voit, qui est une figure de marcheur à l'extrémité droite de la composition, presque écarté de la composition, ce soleil va irradier le ciel à travers des sortes de fumerolles rouges qui sont comme des taches de sang qui semblent s'échapper à la fois des nuages, mais aussi presque des cheminées que l'on voit, puisqu'au centre, on trouve toute une série de petites masures aux toits irréguliers et dissymétriques. Donc là, on a un soleil toujours expressif, mais ça n'est plus le soleil de ce jaune citron malade qu'il évoquait tout à l'heure, mais c'est un rouge sang. C'est le rouge de la blessure qu'il ressent, des blessures qu'il s'est infligées lui-même. Et donc ce soleil est toujours chez Van Gogh une sorte d'objet, de morceau d'identification. Ça devient quasiment un autoportrait. On pourrait tout à fait considérer... D'ailleurs, sa barbe est rousse souvent sur les autoportraits. Il insiste beaucoup là-dessus. Il insiste beaucoup là-dessus, évidemment. Il est une sorte de personnage solaire et soleil. On pourrait tout à fait imaginer écrire une vie de Van Gogh qui passerait par des autoportraits qui ne seraient pas uniquement des autoportraits figurés. C'est avec Rembrandt, un des peintres qui peint le plus d'autoportraits, mais aussi des autoportraits symboliques par objets interposés. Les tournesols, il le dit très clairement. Ici, une Vincent sur le vase, donc il s'identifie à un de ses tournesols. Hein. Mais le soleil lui-même est une façon pour lui de se représenter à travers un motif dans lequel il va s'exprimer. Et ça, je crois que c'est intéressant de constater que ça va rester jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que toutes les œuvres d'art ne sont pas les reflets des artistes qui les produisent ? Il y a sans doute toujours quelque chose qui reste, si ce n'est de la subjectivité, de la vie ou de la psychologie, tout du moins d'un certain bagage, d'un certain savoir-faire, d'un certain savoir dans le travail d'un artiste par lui-même. Mais il y a des artistes qui vont thématiser cette question, qui vont l'expliciter, qui vont préciser dans leurs œuvres qu'ils se projettent dans ces œuvres. Daniel Arras avait écrit un très beau livre sur la question qu'il appelait le sujet dans le tableau, avec un jeu de mots sur la notion de sujet. Il aurait sans doute pu écrire un chapitre sur Van Gogh, parce que Van Gogh, fait vraiment de lui-même un sujet dans ses œuvres. Un sujet à la fois du point de vue narratif et pictural, mais il est le sujet de son œuvre. Il est constamment le sujet de son œuvre. Il ne cesse de faire de sa vie, de faire de son corps, de faire de ses tourments, les sujets de son œuvre. Je vais vous faire une petite confidence. Moi, je suis un historien de l'art de la période moderne, donc plutôt quelqu'un qui s'intéresse à des périodes anciennes où on a tendance à être méfiant vis-à-vis de la façon dont on va articuler biographie et production artistique. Parce que on peut tomber dans des formes de naïveté qui consisteraient à penser que tout ce qui a lieu dans la vie d'un artiste rejaillit sur son œuvre. Et parfois, il y a une très grande étanchéité. Mais lorsque je me suis intéressé à Van Gogh, je n'ai pas pu reproduire ce schéma d'analyse. C'est impossible pour Van Gogh. Van Gogh, vie et œuvre sont intimement liées. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver évidemment à ne pas simplifier, à ne pas trouver dans toute œuvre le signe potentiel d'une projection psychanalytique, mais d'essayer de comprendre dans quelle mesure des éléments qui paraissent simplement tirés de l'imitation de la nature peuvent, pour Van Gogh, prendre des sens qui ne sont pas symboliques, mais qui sont véritablement matériels, autobiographiques ou autofictionnels, lorsqu'il s'agit pour lui de se donner dans ses tableaux une vie qu'il n'a pas. Van Gogh, ni Dieu ni Maître, c'est le titre du livre que vous avez publié aux éditions Citadel et Masno. Merci beaucoup Yann Blanc d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui, d'avoir bravé la chaleur parisienne. Merci. Ça valait la peine quand même de rejoindre ce studio, merci beaucoup. On se quitte avec une chanson Vincent Van Gogh évidemment, c'est Jonathan Richman. Have you heard about the painter Vincent Van Gogh, who loved color and who let it show? And in the museum, what have we here? The most awful painter since Jan Vermeer. And he loved life so bad, painting had twice the color of the paintings had. So bad that the world had to know he loved color and he let it show. In the Amsterdam Museum I was feeling bad and looking for a way not to be so sad. I felt the feeling from the paintings on the wall, and Vincent Van Gogh was with me in the hall. And he loved life that way. His paintings said things that paintings seldom say. So bad that the world had to know he loved color and let it show. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous proposez un anti-manuel de philosophie. Eh oui, après être zen, prendre le temps ou carpe diem, je m'attaque aujourd'hui à l'idée de positiver. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, need the no to win, again the no. La positive attitude. La positive attitude, c'est de faire face, c'est de regarder droit devant, dit-elle. C'est d'assumer. Et quand ça va mal, de surmonter. Un état d'esprit positif, la parentalité positive, la discrimination positive, rien n'échappe aujourd'hui au positif. Le dernier événement en date a été le défilé d'une centaine de mannequins atypiques dimanche dernier à Paris pour célébrer le mouvement du body positive, qui prône la diversité physique contre les normes esthétiques. Positif est ainsi devenu un label, garant de bienveillance et d'ouverture, censé redorer nos comportements négatifs. Cette tendance n'est pas du tout neuve. Laurie chantait la positive attitude en 2004, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, la reprenait en 2005, et si on remonte à ses sources, comme j'ai essayé de le faire, on peut découvrir que la pensée positive, courant initié par le pasteur américain Norman Vincent Peale, date des années 50, et a connu un bond au début de notre siècle avec les théories du développement personnel. D'où Laurie donc, et puis Raffarin. Ce qui m'a frappé avec cette tendance constante à positiver, c'est que l'on ne cesse en revanche de nous rappeler à quel point on est malheureux. Au lendemain du défilé Body Positive, Le Monde livrait ainsi son analyse d'une grande enquête réalisée auprès des Français qui révélait que cela était pessimiste sur l'avenir et sceptique sur leurs dirigeants. Pas de positif sans négatif et inversement, ça paraît presque évident. La négativité dans la vie, c'est vraiment très mauvais parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être heureux et on voit tout en noir. C'est un peu comme si on pataugeait dans la boue et que même si on saupoudrait cette boue de pépites d'or, et ben on les voyait pas parce qu'on fait que patauger, remuer la boue et du coup on cache ce qui peut être très précieux et ce qui peut être vraiment des sources de joie. D'un côté, la boue, et de l'autre, les pépites d'or. D'un côté, le noir, de l'autre, la lumière. D'un côté, le négatif, de l'autre, le positif. Voilà ce qui est terriblement simple avec l'idée de positiver. Cette idée qu'il suffit de renverser les choses, de les retourner ou de leur opposer leur contraire pour qu'elles deviennent autre chose ou meilleures qu'elles-mêmes. Mais comment être positif? Ça veut dire quoi, positiver? Eh bien, en mettant le doigt dans la positivité, je ne pensais pas tomber dans un tel océan de dictons, de références, de disputes aussi. Alors, j'ai bien sûr mis de côté le positivisme philosophique d'Auguste Comte qui entendait substituer des lois scientifiques à nos croyances, et j'ai découvert qu'il fallait distinguer la pensée positive, pseudo-scientifique, tous les articles insistent là-dessus, de la psychologie positive, qui elle ne se contente pas de rendre les choses bonnes, comme par magie, mais veut renforcer les émotions positives présentes en chacun de nous. Positiver, c'est donc un vaste champ qui a occupé pas mal de penseurs, avec la pensée positive qui promeut le positif contre le négatif et la psychologie positive qui part du positif pour donner du positif. C'est sûrement une grande différence, mais je dois dire qu'elle m'a un peu dépassée. J'ai essayé de me mettre en condition, j'ai tenté de transformer les choses négatives en choses positives et j'ai tenté de me concentrer sur le positif pour plus de positif, mais les deux ont eu le même effet, c'est-à-dire me ramener toujours et encore vers le positif comme si c'était là où il fallait de toute façon aller. Je vais vous parler aujourd'hui de parentalité positive. La parentalité, c'est comment je suis moi, parent, avec mon enfant. Et parentalité positive. Positive, c'est quoi ce mot-là? Positive, eh bien, ça veut dire qu'on va être complètement orienté vers le positif. Complètement orienté vers le positif. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est positif. On l'entend dans cet extrait, le positif, c'est tautologique. Mais pourquoi c'est positif? Eh bien l'étymologie de ce terme nous dit que c'est ce qui est posé, conventionnel, établi. Aller vers le positif, c'est donc aller vers ce qui est communément admis. Positiver, c'est donc établir, encore une fois, renforcer ce qui est déjà là et forcément considéré comme bon. Être positif revient ainsi à réfléchir le monde sous un bon angle, mais sans avoir à le changer. On est clairement dans l'empire du bien, pour reprendre l'expression du philosophe Philippe Muret, qui s'auto-produit, qui s'auto-proclame, qui s'auto-justifie lui-même contre le négatif. Jamais d'entre deux, jamais de nuance. Je ne suis pas non plus pour défendre l'échec ou la douleur comme l'envers lucide de la bien-pensance du positif, mais je me demande, est-il possible de ne pas être positif sans être négatif? Et ben la question est lancée. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Nicolas Berger réalisent cette émission pour vous chaque semaine. L'équipe des techniciens de France Culture prend le son pour vous chaque jour de cette émission. Demain, je vous propose de redécouvrir un profession philosophe en compagnie de Robert Misrahi, initialement diffusé en décembre 2018. Robert Misrahi, le philosophe du bonheur, le spécialiste de Spinoza, ce sera demain à 10h. D'ici là, si vous souhaitez réécouter l'émission,